Mireille Kanyang. Samedi 8 janvier, madame, monsieur, bonjour et bon week-end. Les grands titres de cette édition. Divergence d'opinion des partis politiques FNL et CNL quant au verrouillage ou non de l'espace politique au Burundi. Les précisions en début de cette édition. Un grand ravin menace habitations et champs en commune Gisozi de la province Mwaro. Dans cette même province, en commune Rusaka, un éleveur voit son étable vidée pour une quatrième fois. En province Bubanza, le gouverneur interdit la vente et du maïs grillé dans la rue et des feuilles de manioc. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons cette édition par cette page politique. Le parti FNL trouve que l'espace politique burundais est aujourd'hui ouvert à tous les partis politiques. Dans une conférence de presse le soir de ce vendredi, le président de ce parti a expliqué plutôt que c'est la pauvreté minant les partis politiques qui fait que d'autres partis politiques ne soient pas présents sur terrain. Suivez Jacques Guilimana, président du parti FNL. La liberté politique et la liberté d'expression au Burundi, c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'il y a plus de querelles entre les partis politiques d'une part, entre les partis au pouvoir et les partis d'opposition d'autre part. Donc, la liberté politique est une réalité. Seulement, il s'observe un problème au niveau de la logistique des partis politiques. Beaucoup, sinon tous les partis politiques, excepté les partis au pouvoir, sont dans une situation économique très déplorable. Je me permets de dire qu'il y a très peu de partis politiques qui peuvent organiser des descentes sur le terrain sur leurs propres frais. Pour vous dire que si les choses continuent comme ça, si les partis politiques sont restés et pour compte, je vous jure, les partis d'ici 3 ans disparaîtront. C'est ça ce qui constitue une entrave au niveau et du maintien de la démocratie pluraliste. Mais sinon, concernant la liberté politique, vraiment, c'est une réalité. On n'est jamais dans un système de parti unique. Donc, s'il y a un parti politique, ou deux même, ou trois, si vous voulez, qui disent que rien ne va, c'est plus que normal. Ça va venir. Moi, je sais qu'il y a des partis politiques qui disent que ça ne marche pas. Mais quand on les invite dans des réunions des partis politiques, ils sont là, ils se présentent et ils parlent. Personne ne les condamne après. Ils critiquent, ils sortent vraiment sains et saufs sans aucune poursuite judiciaire. Jacques Wigrimana, président du parti FNL. De son côté, le parti CNL, lui, considère que l'espace politique est actuellement verrouillé dans le pays. Le député Agathon Rwasa, président de cette formation politique, donne l'exemple des militants arrêtés pendant qu'ils collectent des contributions du parti et d'une trentaine d'activités politiques de ce parti qui ont été suspendues. Suivez. Le climat politique n'est pas du tout au beau fixe. Vous savez, le Burundi, c'est un pays qui a adopté un système multipartite dans la gestion des affaires publiques. Cependant, on constate de plus en plus que l'on se dirige vers un monopartisme de fait, même l'espace politique. Les partis politiques, il y en a une bonne trentaine ou quarantaine, je ne sais pas. Allez-y voir combien de partis peuvent animer des meetings ici et là. Allez-y voir combien de partis politiques participent dans la gestion du pays, depuis la base jusqu'au sommet. Tant pis pour ceux qui sont victimes, tant mieux pour le parti qui s'en trouve revigoré, parce que pour lui, peut-être, il faut verrouiller l'espace pour tout le monde, sauf pour le sein de FDD. Les activités des partis politiques, pour ne parler que du CNR par exemple, on a suspendu plus de 30 réunions et activités du parti, alors qu'on n'enfreignait pas la loi. Donc, on voit qu'il y a de l'arbitraire en fait, dans la gestion au quotidien. Et là, je dois vous dire par exemple qu'on a été sidéré d'entendre par exemple que le gouverneur a suspendu, sinédié les activités du parti CNL dans sa province. Pour quelle faute commise, nul ne sait. Et pour quelle période cela durera, on ne sait pas. C'est pourquoi je dirais que le climat politique est vraiment délétère. Nous essayons de discuter avec ceux qui détiennent les rênes du pouvoir pour voir comment on pourrait quand même assainir la situation. Parce que de toute façon, un administrateur qui va à rencontre de la loi, un chef de zone qui va à rencontre de la loi, il devrait quand même être recadré par ses supérieurs. Le député Agathon Rwasa, président du parti CNL, dont les propos ont été recueillis par Eline Bell, Niwigira en page justice. Le ministère de la Justice dit être à l'œuvre pour l'accès de tous les bénéficiaires de la récente grâce présidentielle. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la ministre de la Justice à Gitega après une rencontre avec les chefs des juridictions supérieures des services et des administrations personnalisées. Domine Banyangimbona reconnaît que le pays enregistre des pertes lorsque les détenus méritant la mise en liberté croupissent toujours dans les prisons. Suivez la ministre Domine Banyangimbona au micro de Moïse Misago. La volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est que les détenus qui remplissent les conditions d'être élargis soient mis à la liberté. Mais maintenant, les services concernés sont à l'heure pour continuer à élargir les détenus qui remplissent les conditions pour être libérés. C'est dans la continuité des mesures qui sont prises par son Excellence, c'est dans la continuité de la présente mesure. Même maintenant, les services concernés sont à l'œuvre pour continuer à mettre en application les mesures de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La ministre Domine Banyangimbona, pour rappel, lors d'une récente conférence de presse, l'organisation Nabariza, militant pour les droits des détenus et de leurs familles, a déploré, a fait savoir que près de 3 000 seulement des bénéficiaires de la grâce présidentielle ont été relaxés sur un nombre de plus de 5 000 bénéficiaires de grâce présidentielle. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro. En province Moaro et en Grand Ravin se trouvant sur la colline Kiyangé, en commune Gisozi, menace des habitations et des cultures. Les habitants de cette colline font savoir que ce ravin a été causé par des eaux de ruissellement coulant sur cette colline. Et l'administrateur de la commune Gisozi, Deo Nahisha Kiye, ainsi que le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPE en province Mwaro, indique que la stabilisation de ce ravin demande beaucoup de moyens, nous rapporte Laurent Dikuriyo. Ce ravin se trouvant sur la colline Kiyanga en zone Nyakara de la commune Gisozi en province Mwaro, a environ 20 mètres de large et plus d'une quarantaine de mètres de profondeur selon les habitants de cette colline. Ils précisent qu'il a été causé par les eaux de pluie qui coulent sur la colline Kiyanga. La route nationale RN7 passe à environ 20 mètres du dit ravin. Il continue à s'agrandir au fur des années selon leurs propos. Des cultures situées tout près ont été déjà englouties par ce ravin. À environ 10 mètres du bord se trouvent des maisons d'habitation. Odas Matoro, occupant l'une de ces maisons, qu'il avait essayé de planter des bambous sur le bord, mais ils sont tombés à l'intérieur de ce ravin avec la tombée de la pluie. L'administrateur de la commune Gisozi, Deo Nahisha Kiye, dit que cette commune se trouvait sur un relief accidenté, entraînant beaucoup de ravins suite aux eaux de pluie. Il précise qu'en plus de celui de Kiyange, il y a un autre ravin à Gitara et un autre à Gatare sur les rives de la rivière Kayokwe. Il indique qu'il compte contacter des experts dans le domaine de l'environnement pour savoir comment le stabiliser, car cela demande des moyens que la commune ne peut pas avoir. Jean Bosco Ndendeke, le responsable de l'OBP en province Mwaro, dit que dans l'immédiat, des courbes de niveau peuvent être tracées afin d'éviter qu'ils continuent à s'agrandir. Il précise qu'ici y avait un bailleur, des banquettes pourraient être construites à l'intérieur du dit ravin pour le stabiliser, car il constitue un danger public. De moi, Laurent Dikuri, Radio Isanganiro. Merci à Laurent Dikuriyo. Restons en province Mwaro pour parler sécurité. Deux vaches ont été blessées au niveau des pieds vers 20h de cette nuit, de vendredi à samedi, par des inconnus sur la colline Ruchunda de la commune Rusaka en province Mwaro. L'administrateur de la commune Rusaka, Karine Kaneza, a dit que ces vaches appartiennent à un certain Terence Nzisabira, dont les tables et l'enclos avaient été déjà brûlés 4 fois auparavant. Elle précise que 5 personnes sont déjà arrêtées par la police pour des raisons d'enquête et demande à la population de sa commune de veiller à la sécurité et de renforcer des rondes nocturnes afin de faire face à de tels malfaiteurs. Poursuivons cette édition, rendons-nous cette fois-ci en province Ngozi pour parler environnement. Il y a eu reboisement de plus de 20 hectares sur la colline Chamugani, surplombant la source d'eau de Wudahamagagwa qui alimente la ville d'Ngozi. La forêt plutôt qui s'y trouvait a été coupée systématiquement par des exploitants de charbon et ceux qui vendent des arbres. Le chef de cabinet du gouverneur de la province Ngozi indique que des mesures ont été prises en vue de protéger ces nouvelles plantations et promet des sanctions sévères à toute personne qui sera surprise en train d'endommager cette forêt. Le point avec Apollinaire Muzagar. Cet espace à reboiser se trouve juste en bas du palais présidentiel et en bas de cette forte pente dans le marais de Wudahamagagwa a été construit un point de captage d'eau qui alimente les ménages de la ville d'Ngozi. Cette vaste colline est actuellement presque nue à cause de personnes qui exploitent illégalement des arbres, certaines pour les vendre à ceux qui construisent des maisons, ceux qui cherchent des petits arbres pour tuer les haricots rampants et d'autres qui en fabriquent du charbon. Environ 30 000 plants d'eucalyptus sont en train d'être plantés sur cet espace de plus de 20 hectares, indique Laurent Monet-Zéro de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en Gauze. Il ajoute que c'est dans le but de protéger cette source d'eau de Wudahamagagwa contre l'érosion. Le chef de cabinet du gouverneur de la province Ngozi parle d'une association chargée du suivi et entretien de ces arbres. Emmanuel Nachonsanze prévient que toute personne qui tenterait d'endommager encore une fois ces arbres sera sanctionnée conformément à la loi. Un homme de la communauté Batwa a été tué il y a environ 2 mois alors qu'il volait des arbres sur le mont Mukinya en commune et province Ngozi. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Quittons la province Ngozi, c'est au nom du Burundi, pour nous rendre à l'ouest, en province Bubanza, où le gouverneur interdit la vente et du maïs grillé dans la rue et des feuilles de manioc. Et c'est dans un communiqué sorti ce vendredi, une correspondance signée Espèce Caritas Kawanyana. Dans ce communiqué sorti ce vendredi, le gouverneur de la province de Bubanza, Cléophas Nizigimana, fixe des mesures de protection des récoltes, comme c'est mentionné dans ce communiqué. Toutes les récoltes doivent être transportées à la maison. Seuls les excédents peuvent être vendus pour venir aux autres besoins. Ce comportement de grillage du maïs et qui sont consommés sur place et sur les routes ou dans les marchés est suspendu. Ceux qui veulent pourront les acheter au marché et aller les griller chez eux, comme c'est écrit dans ce communiqué. Il est également interdit de vendre des feuilles de manioc consommées comme légumes, car beaucoup de vendeurs les volent dans les champs qui ne leur appartiennent pas, et celui qui voudra le faire devra présenter une autorisation du chef de colline attestant qu'il les a pris dans son champ. Cependant, les petits commerçants de maïs grillés que nous avons rencontrés à la 5e transversale à Gihanga ne sont pas contents de ces mesures qu'ils qualifient d'injustes puisqu'ils achètent ces maïs chez les propriétaires des champs et cherchent comment gagner du bénéfice. Comme il le souligne, il demande plutôt aux autorités et aux forces de l'ordre la vigilance et la surveillance afin d'attraper ceux qui volent dans les champs afin qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Espèce Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Espèce Caritas Kawanyana, page sportive. Avant de clore cette édition, Nicolas Mnyedofin vient d'être élu président de la Fédération burundaise de handball pour une période de 4 ans lors des élections programmées ce samedi. Dofin a été élu à 42 voix sur 46 membres votants. Parmi d'autres organes mis en place, on enregistre Polycarp Ndayishimiye, élu secrétaire général de Feburhand, Jean Béli Bizindavi, trésorier, et Nelly Arlette Ninina Hazo, élue représentante du handball féminin. Finale ce week-end en province Ngozi du tournoi baptisé Renaissance, opposant les meilleures équipes de l'intérieur du pays. Et c'est au basketball. Ce samedi, Mbeya de Gitega croise le fer avec Aigle Noir de Makamba. Le deuxième match oppose Taget de Ngozi à l'équipe de la province Rutana, Karera et toutes les équipes masculines. Les vainqueurs des deux matchs de ce samedi joueront la finale ce dimanche sur le même terrain du BPAE Ngozi. L'équipe gagnante de ce tournoi recevra 3 millions de francs burundais et non 6 millions comme l'avait annoncé mon confrère en langue nationale. Et c'est selon Claver Hachimana, vice-président de la Fédération de basketball du Burundi, en même temps président du comité d'organisation de ce tournoi. Voilà, 13h12 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde juste après cette édition. Vous suivez la revue de presse. Très bon week-end chez vous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Au-delà des larmes, écrit le journal Iwachu en une de sa parution cette semaine, avec un portrait de Moïse Niyoyendemye en larmes devant un micro, l'homme qui a pleuré devant le président de la République, victime, disait-il, de la justice. C'était mercredi 29 décembre, lors d'une émission publique, le président Évariste Ndayishimiye répondait aux questions des journalistes et des citoyens. En effet, rappelle le journal Iwachu, cet homme a ému les Burundais et a réclamé ses biens saisis par la justice au profit de son ex-épouse. L'homme a nommément chargé les deux précédentes ministres de la justice. Et en page intérieure, son confrère s'interroge s'il s'agit des larmes de crocodile. Iwachu s'est rendu à Gitega pour comprendre. L'histoire est moins simple et cet homme en pleurs mène une vie de couple dissolue. Il est aussi auteur de violences conjugales selon cet hebdomadaire. Janine Niwizi, ancien procureur de la province Gitega et ancien ministre de la Justice, affirme qu'elle connaît le dossier de Moïse et son épouse Monique, mais refuse de s'exprimer sur un dossier qui est encore en justice. Plusieurs témoignages disent que durant son mandat, Madame Janine Niwizi, en tant que procureure de Gitega, s'est illustrée pour son combat pour les droits des femmes et l'oreille de plusieurs femmes à Gitega, écrit cet hebdomadaire. Un examen écrit organisé à la fin du mois de janvier à l'endroit de 30 000 enseignants, annonce André Ndikumana, directeur général au ministère ayant l'enseignement dans ses attributions. NetPresse, qui rapporte ces propos, précise que ce test concerne uniquement les enseignants de l'école primaire, de la première année à la sixième, pour voir comment renforcer la capacité de ces enseignants. Ce programme est également prévu aux directeurs. Il conclut que c'est inconcevable qu'une école échoue au niveau du concours toutes les années, alors qu'elle a des enseignants compétents. De son côté, la représentation syndicale des enseignants trouve que l'organisation d'un test de niveau à l'endroit des enseignants est une forme de culpabiliser l'enseignant et une fuite en avant devant les droits des travailleurs, mais reconnaissent que la loi en vigueur parle du perfectionnement des fonctionnaires, écrit la voix de l'enseignant. Comme solution, poursuit ce journal, les représentants syndicaux suggèrent que le ministère de l'Éducation parte des rapports de terrain produits par des inspecteurs et autres conseillers pédagogiques pour déterminer le personnel en besoin. Aussi, s'interrogent ces syndicalistes, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'Éducation, pourquoi ne pas organiser une formation systématique sur les matières faisant objet de réformes en cours et impliquant de nouvelles approches pédagogiques et méthodologiques? Revue de la presse. Le gouverneur de la province Kayanza recueille les doléances de la population de Kabarore, rapporte l'agence burundaise de presse. Le colonel Rémi Chishahayo était accompagné de différents responsables des services provinciaux et du procureur général près la cour d'appel d'Ongozi. Dans cette réunion d'échange organisée mercredi, écrit la BP, les doléances soumises au gouverneur étaient principalement liées aux conflits fonciers, familiaux, aux propriétés foncières dont les propriétaires n'ont pas reçu des indemnisations, des dettes non payées, des jugements pendants ou rendus, mais sans être exécutés. Le Burundi fait partie des 21 pays membres du Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, traduit en français par le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Cette organisation, dont l'objectif est de créer une union douanière au sein des pays membres, regorge d'avantages, selon Burundi Echo, qui explique qu'elle constitue un marché du commerce et d'investissement pour plus de 500 millions d'habitants. Ces programmes concernent le développement des infrastructures, le service de commerce et de douane, le genre et les affaires sociales, ainsi que l'agriculture, l'industrie et le développement du secteur privé, détaille ce journal spécialisé dans les questions socio-économiques. Burundi Echo rappelle également que les pays membres du COMESA sont le Burundi, les Comores, le Djibouti, l'Égypte, l'Eswatini, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, la Libye, le Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, la Tunisie, le Zimbabwe et enfin la Zambie, dont la capitale Lusaka abrite le siège de cette organisation régionale. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Mireille Kanyange et Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.